Combattant contre les mauvais esprits et non contre les hommes. Combattant contre les ruses du diable et non contre les frères. Combattant, serviteur contre les désirs de la chair et non bien-aimé contre les hommes créés à l'image de Dieu. Combattant contre les dominations et les esprits méchants. Combattant contre les princes de ce monde des ténèbres. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu en lui. Jésus sur la croix du calvaire pardonna ce qu'il avait offensé. Oh, quel amour l'exemple nous est donné. Oui, imitons Jésus, oh, car il est le chemin. Frères et sœurs, Jésus nous jugera un jour, car l'amour est dans le pardon, serviteur. Prêchons l'amour, oh, oui, c'est merveilleux. Alléluia. Mais soyons quelqu'un dit, j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? 1 Jean 4, verset 20.